Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous allons donc ouvrir l'émission sur le thème du biomimétisme. Alors dans ce mot, on reconnaît aisément la racine bio, qui veut dire vie, et mimétisme. Donc on comprend qu'il s'agit de mimer, voire d'imiter la nature. Alors vous avez peut-être entendu parler de la toile d'araignée plus solide que le Kevlar ou des pattes de gecko capables de coller sur des vitres et que des scientifiques et des ingénieurs aimeraient bien imiter. Mais le monde du vivant est un véritable réservoir de toutes sortes de structures, de matières qui pourraient donner, de matériaux qui pourraient donner des idées aux ingénieurs. Et c'est le sujet qui a captivé André Mathieu pendant de nombreuses années. Elle est chargée de cours à l'université de... En fait, elle était chargée de cours à l'université de Sherbrooke et elle s'est intéressée aux systèmes complexes, au développement durable. Elle a exploré le monde du vivant en quête de toutes ces ingéniosités que la nature a développées, des astuces qui inspirent des scientifiques. Et elle a aussi, pour les auditeurs de la région, elle a aussi été professeure, elle a aussi enseigné les mathématiques et le cégep et la physique au collège Mérici. Donc peut-être certains auditeurs reconnaîtront leur ancienne professeure. Et donc André Mathieu, avec Moana Lebel, a écrit un livre qui s'intitule « L'art d'imiter la nature » et qui vient tout juste de paraître aux éditions Multimonde. Et André Mathieu est avec nous au téléphone. Bonjour Madame Mathieu. Bonjour Madame Levy et aussi bonjour à tous les gens de la belle ville de Québec où je suis née et j'ai passé même plus que la moitié de ma vie. Alors voilà, donc après cette présentation, on va présenter le mot biomimétisme. En fait, donc on comprend qu'il s'agit de mimer la nature, mais j'aimerais que vous expliquiez pourquoi vouloir imiter la nature. En fait, qu'est-ce que la nature pourrait bien nous montrer que nous ne serions pas capables de trouver par nous-mêmes avec notre cerveau et notre intelligence? Bon, en fait, je crois que notre cerveau et notre intelligence est bien capable de trouver pas mal de choses, mais à condition qu'on fasse preuve peut-être d'un petit peu d'humilité et puis qu'on s'inspire de ceux qui l'ont fait avant nous. Alors, depuis que la vie existe sur la Terre, c'est un formidable laboratoire de recherche et développement de 3,8 milliards d'années. Alors, la nature a appris à faire bien des choses, à voler, à nager, à se protéger, à se guérir, et ainsi de suite. On pourrait nommer toutes les fonctions biologiques possibles. Et surtout, elle l'a fait, elle, sans avoir recours à, comme nous, nous le faisons, à des énergies ou en fait des températures extrêmes, des pressions extrêmes, des produits chimiques et tout ça. Et donc, elle ne saccage pas son environnement immédiat, elle s'approvisionne localement et donc elle a pu, la nature... créer cette magnifique biosphère et tous les écosystèmes qui sont durables et dont on doit s'inspirer si on veut continuer à être sélectionné. Oui, puis c'est pour parler en termes d'évolution. Puis c'est des systèmes qui ont fait leur preuve au cours de l'évolution, donc depuis des millions d'années, puis qui ont fait leur preuve que ça marche. La nature a eu le temps de les mettre au point, de les perfectionner. Absolument. Et ce qui arrive par rapport au biomimétisme, c'est que vous allez me dire, bon, ben les gens ont toujours imité d'une certaine façon la nature, mais on était équipés pour surtout imiter les formes en général, alors que avec l'évolution de toute l'imagerie, par exemple, maintenant on peut aller imiter la nature à des niveaux infiniment plus petit. Alors, la nature, on s'aperçoit qu'elle travaille à l'échelle moléculaire, elle compose, décompose, puis réorganise sans cesse la matière. Et puis, donc, les structures qu'elle forme sont là aussi pour utiliser, par exemple, je pense qu'avec un exemple, on comprendra mieux. Oui, c'est ça, oui. Il y a des couleurs qui ne viennent pas de pigments, mais de la structure très, très fine de la surface, par exemple, sur les ailes d'un papillon. La couleur du papillon peut être due non pas à un pigment, mais à la structure moléculaire de sa surface qui reflète les différentes parties du spectre lumineux. Alors, ça, c'est le genre de choses qu'on pouvait peut-être pas faire avant, mais que maintenant, dont on peut s'inspirer parce qu'on a les instruments qui nous permettent d'aller voir, donc d'étudier la nature encore toujours plus en profondeur. Alors, c'est pour ça que le biomimétisme est intimement lié aux nouvelles technologies, je dirais. Évidemment, évidemment, les gens qui travaillent en nanotechnologie s'y intéressent beaucoup, ceux qui s'occupent de la mécanique des fluides, mais à des niveaux, la microfluidique, là, mm-hmm. plus petit. Vous avez à Québec un nouveau... la dernière fois que je suis allée à Québec, j'ai vu cette faculté où je faisais longtemps que j'étais pas allée sur le campus. Et ce merveilleux pavillon sur la photonique, mm-hmm. donc encore une fois, c'est allier l'électronique avec toute l'optique, je me souviens. Donc avec toutes ces technologies, finalement, on peut examiner sous tous les oui. angles de quoi est composée la nature. J'aimerais que vous nous donniez encore quelques exemples de ce que la nature a développé au fil de la sélection naturelle. Je sais pas, des exemples de matériaux. Bon, vous nous avez donné l'exemple de la couleur, mais bon, après tout, ça nous avance pas trop parce qu'on peut prendre un piment puis faire du bleu, mais il y a certainement d'autres exemples dans la nature dont on pourrait s'inspirer. Oui, certainement. Toutes sortes de matériaux, des formes. Toutes sortes d'exemples. Par exemple, on a de la difficulté à fabriquer ou à coller sous l'eau. Alors que la moule, elle, a développé des fibres dont elle forme ce qu'on appelle un byssus, une mm-hmm. espèce de filament qui la retient à la surface sous l'eau. Ensuite, par exemple, la nature a appris à se déplacer dans l'air avec efficacité. Entre autres, les vautours, on comprend aujourd'hui que le fait qu'ils écartent leur rémige, donc les plumes complètement au bout de leurs ailes, améliore beaucoup l'efficacité. Et aujourd'hui, en plus, et c'est toujours aussi l'utilisation des tourbillons, des vortex qu'il y a autour. Et ça permet, on a mis des petites pointes sur les ailes d'avion qui sont dirigées vers le haut. Là. Mm-hmm. Vous pouvez tous remarquer ça en volant aujourd'hui que sur les ailes d'avion, on a ces petites espèces de plumes relevées qu'on élève autour, là, justement pour briser la turbulence. Et il y a aussi, par exemple, je pense à la baleine à bosse se déplacer dans l'eau en utilisant aussi les tourbillons. On avait vu dans le temps de la dernière des derniers Jeux olympiques ou les avant-derniers où ils avaient fabriqué le fameux maillot inspiré des écailles de requin et mm-hmm. qui permettait de propulser le nageur. Vous avez l'hippopotame qui fabrique sa propre protection solaire. Des oiseaux de mer qui ont appris à se débarrasser du sel alors que nous, quand on veut désaliniser l'eau de mer, c'est un disons qu'on n'économise pas l'énergie. Ensuite, mm-hmm, on a le chameau qui est capable de lui-même de fabriquer son eau à partir de l'hydrogène, le butin. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on pourrait Oui, je vois que vous avez plein d'exemples. Et d'ailleurs, votre livre est plein de ces exemples. Puis là, vous avez donné des exemples chez les animaux, mais il y a aussi des exemples dans le monde végétal. Et puis d'ailleurs, votre livre, il y a énormément d'illustrations et même des références internet pour voir des vraiment en images, en film, des vidéos pour voir vraiment ces phénomènes-là. Et j'invite chaleureusement les gens qui se procureront notre livre à aller voir ces films-là. Il y en a qui sont mais vraiment très spectaculaires. Vous savez, la nature est vraiment géniale et je pense entre autres au lézard basilic qu'on a surnommé le lézard Jésus-Christ et qui marche sur l'eau carrément. Mais quelqu'un a réussi à faire un formidable vidéo où on voit de quelle façon ce déplacement-là a lieu. Et éventuellement on pourra imiter parce mm-hmm. que l'imitation de la nature jusqu'à maintenant c'est fait à différents il y en a qui sont plus avancés que d'autres dans les applications si vous voulez. Oui. Mais et puis aussi dans votre livre vous allez un cran plus loin avec l'idée de copier la nature, non pas au cas par cas, bon, pour, par exemple, reproduire le bout des ailes des vautours ou utiliser je sais plus quel produit de la moule pour faire des collages sous l'eau, mais d'aller jusqu'à recopier le fonctionnement des écosystèmes qui fonctionnent tous ensemble dans une sorte, finalement, où tout le monde fonctionne les uns avec les autres. Expliquez-nous ce que vous entendez par là. Bien, en fait, on disait tout à l'heure que tous les animaux et du plus petit micro-organisme jusqu'au plus grand mammifère, ils collaborent tous ensemble pour faire tourner cette matière, parce que faut réaliser que depuis l'existence de la Terre, à part quelques rayons cosmiques ou quelques décompositions dans le noyau de la Terre, on a presque la même matière qu'il y avait au départ. Alors, c'est tout le temps c'est cette même matière-là qui recircule depuis le début, qui est recyclée constamment. Alors, ça peut pas être l'effet de juste un individu. Donc, tout ça, c'est une... Tout ce recyclage-là, le fait que, justement, la vie ait cette durabilité sur la Terre est dû au fait de ce travail... On recycle toujours les... Que les organismes font entre eux. C'est une collaboration, une immense collaboration. Mm-hmm. Alors, on voit aujourd'hui... Il y a même des collaborations, parce que, évidemment, en étudiant la théorie de l'évolution, on a mis beaucoup l'accent sur la compétition, c'est-à-dire le fait que, les plantes, par exemple, vont compétitionner pour le soleil et tout ça. Et on a mis énormément, évidemment, l'accent sur cet aspect de la compétition, mais on s'aperçoit que sous la terre, par exemple, dans une forêt, les racines, il y a des micro-organismes qui relient les racines ensemble. Donc, ils partagent les nutriments et tout ça. Donc, dans un écosystème, vous avez tous les types, et c'est nous, on dit souvent qu'on veut repousser les limites. Ça me fait toujours un peu rire, parce que la nature, elle repousse pas les limites. Les limites qui sont dues aux lois de la physique et de la chimie, ils vont toujours rester là. Alors, ce qu'elle fait, la nature, c'est qu'elle tire avantage de ces limites-là pour créer de la diversité. Alors, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre de la nature, de cette diversité-là qu'on retrouve dans les écosystèmes et de toute cette collaboration-là. Au lieu d'essayer de standardiser puis que tout soit pareil. Ouais. Partout, je pense que c'est des choses qu'on va aller découvrir dans votre livre, parce que là le temps file. Donc finalement ça montre qu'on a bien des leçons à apprendre de la nature, des leçons technologiques mais aussi des leçons en matière de développement durable finalement. Il y a un exemple de excusez-moi mais là on va devoir c'est tout le temps qu'on a malheureusement. Donc je vais inviter les auditeurs pour en savoir plus, à plonger dans votre livre. Et je vais vous remercier beaucoup, Madame Mathieu. Je vous souhaite une belle action de grâce et profitons de cette fête-là, de l'action de grâce, pour remercier les animaux et toute la nature de toutes les belles leçons qu'elle peut encore nous apprendre. Merci, Madame Mathieu. Au revoir. Alors, je rappelle qu'André Mathieu est chargé de cours à l'Université de Sherbrooke et donc l'auteur de ce livre, L'art d'imiter la nature, qui vient tout juste de paraître aux éditions Multimonde. On fait une très, très rapide pause musicale et au retour, on vous parle des effets des changements climatiques sur la biodiversité sur CKRL au 89.1.